Alors, une seule fenêtre, une seule porte. La fenêtre est grillagée et donne au sud sur le fossé. La porte, elle, ouvre sur le laboratoire. Aucune autre issue. Voilà, vous avez tout vu. C'est exact, nous avons tout vu, mais nous n'avons peut-être pas encore tout regardé. Oh, le moment est peut-être mal choisi pour faire de l'esprit, Joseph, quand mais même. Mais je ne faisais pas d'esprit, Sinclair. J'ai bien l'intention de regarder, et dans le détail. Je veux que rien ne m'échappe. Mais tout a déjà été examiné. Justement, ça devient beaucoup plus intéressant. Monsieur Darzac. Oui. Puis-je vous poser une question, une seule? Je vous en prie. Quel est, à votre avis, le mobile du crime? Pour moi, monsieur, il ne saurait y avoir, hélas, aucun doute. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rêve. Aujourd'hui, troisième épisode, avec Rouletabille, Philippe Nico, Sinclair, Philippe de Rêve, Darzac, Michel Rull, Larsan, François Mestre, Le Cocher, Gaëtan Jarre. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 3 août 1983. Comme hier, écoutons quelques instants l'écrivain et journaliste Gabriel Royard sur la chaîne nationale évoquant la carrière de Gaston Leroux. La démangeaison d'écrire l'a déjà saisie. La Lyre universelle publie son premier poème, un sonnet où il glorifie Lamartine. Puis, c'est le tour d'une prose qu'il intitule au sens le plus exact « Mon premier article ». Paru dans Lutèce, qu'il retrouvait soudain après en avoir perdu jusqu'au souvenir, en feuilletant les revues peu achalandées, dormant sous la galerie de l'Odéon. À l'écho de Paris, il célèbre Réjeanne qui deviendra au plus tard, bien plus tard, la principale interprète de sa pièce, Alsace. Comme chroniqueur judiciaire, il fait l'apprentissage de la gymnastique du métier dans le procès de l'anarchiste Vaillant. Le journal bouclant à 5h de l'après-midi, le débutant n'a que le temps de fixer quelques phrases au vol qu'un cycliste vient lui arracher au fur et à mesure. Au matin, même rubrique, même procès à peu près, celui de l'anarchiste Henri. C'est en 1894 que, devenu chef des informations, il parvient à s'asseoir dans un fauteuil presque directorial. S'asseoir pour mieux bouger à l'occasion. Le voilà en Russie aux premières pétarades de la Révolution. Il peut témoigner des massacres des Tartares et des Arméniens et du gigantesque incendie de Balakhani. C'est dans les trains, dans les bateaux qu'il écrit ses pièces, ses romans. Il court après tous les grands de la terre. Il rate Chamberlain au temps de la guerre des Boers et raconte plaisamment comment. Il ne rate pas Philippe d'Orléans, prétendant au trône de France dont le père vient de décéder, 1894, parce que c'est presque un copain, révérence parlée, puisqu'ils ont jadis joué ensemble au lycée 2. En 1904, les Japonais attaquent brusquement la flotte russe à Tchemulpo, dans les environs de Séoul. Le roux s'y précipite. Ayant rendu compte des opérations, il fait un petit crochet par l'Empire des Tsars avant de regagner Paris, l'empereur des Russes devant rencontrer l'empereur des Allemands sur le yacht de Guillaume II, l'étoile polaire. Comment collait-il la nouvelle tenue secrète? Tout simplement parce que, fin gastronome, ayant sa table chez Maxime, chez Paillard, il vivait dans les meilleurs termes avec les cuisiniers du tsar qui, eux, plus sûrement encore que les diplomates, étaient renseignés. Gabriel Royard, le 16 avril 1957, sur la chaîne nationale, évoquait Gaston Leroux. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Rendez-vous demain à la même heure pour le quatrième épisode du Mystère de la Chambre jaune.